Hey, you are. Pam, pam, pam, pam, pam. Yeah, je veux entendre mes gars et mes go dire que je cartonne. Vu comme GM en matière de rime, j'en possède des tonnes. Du pur juice pour des bonnes vibes pendant que tu déconnes. Consomme ça sans modération, un deck maintenant décolle. Ancienne nouvelle école, v'là la bouche à l'accent épicé dans tous les gachos. Et racle raffole en ta bouche ou en beau congol. Le style qui pète, le blast qui pèse aux quatre coins de la France. Du 4-4 à Sébastopol, c'est la racontée, non, même croire que c'est gogol. Roll monopole, descend en pied des sales car ça fait mal quand on dégringole. D'une quitte au contrôle à ouf de plus de chez nous. Pour un rap de boss, moi aussi je kick ça pour my people. Pepperman, en train de kicker dans mon micro. Quand ce cheval tient est arrivé, criant sa pull old school flow. C'est du classique, je trimballe dans mon bagage artistique. Old school, new school, au venir à pure reste artistique. Mes gars et mes go me dire j'suis fort. Dior et Prince d'Arabie, même slogan j'adore. T'encore en mouvement synchro sur le feeling j'arbore. Nord, sud, est, ouest, tous vous au même sort. Hey, rap universel, tout le monde d'accord. Et comme dit Braco, Nord demande encore et encore. Ça glisse, c'est easy, smooth, ça pèse les plus hardcore. Rien de révolutionnaire, tripartisan du moins très fort. Sois sport quand j'pète les scores, avoue que tu kiffes à mort. Si tu kiffes l'or, refuse ton propre plaisir, t'attends. Technique qui fait bouger la masse du plus velo au gros port. Seul le sceptique de masse, bras croisés. S'endort, ça fait depuis le temps qu'on a voué notre Arabie Zélor. 3, 4, 5, 6, puis je vois deux que j'honore. Dessous le choc, un nouvel don, le prince toujours à bord. 4, 4, L, A, c'est fort ou down autour de toi. Hey, you are.